Tous les détails de la maladie de notre mère chérie sont encore présents à mon cœur. Je me souviens surtout des dernières semaines qu'elle a passées sur la terre. Nous étions, Céline et moi, comme de pauvres petites exilées. Tous les matins, Madame Leriche venait nous chercher et nous passions la journée chez elle. Un jour, nous n'avions pas eu le temps de faire notre prière avant de partir. Et pendant le trajet, Céline m'a dit tout bas : « Faut-il le dire que nous n'avons pas fait notre prière ?»« Oh oui, lui ai-je répondu. » Alors, bien timidement, elle l'a dit à Madame Leriche. Celle-ci nous a répondu : « Eh bien, mes petites filles, vous allez la faire. » Et puis, nous mettant toutes les deux dans une grande chambre, elle est partie. Alors Céline m'a regardée et nous avons dit « Ah, ce n'est pas comme maman. » Toujours elle nous faisait faire notre prière. En jouant avec les enfants, toujours la pensée de notre mère chérie nous poursuivait. Une fois, Céline ayant reçu un bel abricot se pencha et me dit tout bas « Nous n'allons pas le manger, je vais le donner à maman. » Hélas, cette pauvre petite mère était déjà trop malade pour manger les fruits de la terre. Elle ne devait plus se rassasier qu'au ciel de la gloire de Dieu et boire avec Jésus le vin mystérieux dont il parla dans sa dernière scène, disant qu'il le partagerait avec nous dans le royaume de son Père. La cérémonie touchante de l'extrême-onction s'est aussi imprimée en mon âme. Je vois encore la place où j'étais à côté de Céline. Toutes les cinq, nous étions parents d'âge et ce pauvre petit père était là aussi qui sanglotait. Le jour ou le lendemain du départ de maman, il me prit dans ses bras en me disant « Viens embrasser une dernière fois ta pauvre petite mère. » Et moi, sans rien dire, j'approchais mes lèvres du front de ma mère chérie. Je ne me souviens pas d'avoir beaucoup pleuré. Je ne parlais à personne des sentiments profonds que je ressentais. Je regardais et j'écoutais en silence. Personne n'avait le temps de s'occuper de moi. Aussi, je voyais bien des choses qu'on aurait voulu me cacher. Une fois, je me trouvais en face du couvercle du cercueil. Je m'arrêtais longtemps à le considérer. Jamais je n'en avais vu, cependant je comprenais. J'étais si petite que malgré la taille peu élevée de maman, j'étais obligée de lever la tête pour voir le haut, et il me paraissait bien grand, bien triste. 15 ans plus tard, je me trouvais devant un autre cercueil, celui de Mère Geneviève. Il était de la même grandeur que celui de maman, et je me crus encore au jour de mon enfance. Tous mes souvenirs revinrent en foule. C'était bien la même petite Thérèse qui regardait, mais elle avait grandi, et le cercueil lui paraissait petit. Elle n'avait plus besoin de lever la tête pour le voir. Elle ne la levait plus que pour contempler le ciel, qui lui paraissait bien joyeux. Car toutes ses épreuves avaient pris fin, et l'hiver de son âme était passé pour toujours. Le jour où l'Église bénit la dépouille mortelle de notre petite mère du ciel, le bon Dieu voulut m'en donner une autre sur la terre, et il voulut que je la choisisse librement. Nous étions ensemble toutes les cinq, nous regardant avec tristesse. Louise était là aussi, et voyant Céline et moi, elle dit « Pauvre petite, vous n'avez plus de mère. » Alors Céline se jeta dans les bras de Marie, disant « Eh bien, c'est toi qui seras maman. » Moi, j'étais habituée à faire comme elle. Cependant, je me tournais vers vous, ma mère chérie, et comme si déjà l'avenir avait déchiré son voile, je me jetais dans vos bras en m'écriant « Eh bien, moi, c'est Pauline qui sera maman. » Comme je l'ai dit plus haut, c'est à partir de cette époque de ma vie qu'il me fallut entrer dans la seconde période de mon existence, la plus douloureuse des trois, surtout depuis l'entrée au Carmel de celle que j'avais choisie pour ma seconde maman. Cette période s'étend depuis l'âge de 4 ans et demi jusqu'à celui de ma 14e année, époque où je retrouvais mon caractère d'enfant tout en entrant dans le sérieux de la vie. Il faut vous dire, ma mère, qu'à partir de la mort de maman, mon heureux caractère changea complètement. Moi, si vive, si expansive, je devins timide et douce, sensible à l'excès. Un regard suffisait pour me faire fondre en larmes. Il fallait que personne ne s'occupât de moi pour que je sois contente. Je ne pouvais pas souffrir la compagnie de personnes étrangères et ne retrouvais ma gaieté que dans l'intimité de la famille. Cependant, je continuais à être entourée de la tendresse la plus délicate. Le cœur si tendre de papa avait joint à l'amour qu'il possédait déjà un amour vraiment maternel. Vous, ma mère et Marie, n'étiez-vous pas pour moi les mères les plus tendres, les plus désintéressées? Ah, si le bon Dieu n'avait pas prodigué ses bienfaisants rayons à sa petite fleur, jamais elle n'aurait pu s'acclimater à la terre. Elle était encore trop faible pour supporter les pluies et les orages. Il lui fallait de la chaleur, une douce rosée et des brises printanières. Jamais elle ne manqua de tous ses bienfaits. Jésus les lui fit trouver, même sous la neige de l'épreuve. Je ne ressentis aucun chagrin en quittant Alençon. Les enfants aiment le changement, et ce fut avec plaisir que je vins à Dizieux. Je me souviens du voyage, de l'arrivée le soir chez ma tante. Je vois encore Jeanne et Marie nous attendant à la porte. J'étais bien heureuse d'avoir des petites cousines si gentilles. Je les aimais beaucoup, ainsi que ma tante et surtout mon oncle. Seulement, il me faisait peur, et je n'étais pas à mon aise chez lui, comme au Buissonnet. C'est là que ma vie était véritablement heureuse. Dès le matin, vous veniez auprès de moi, me demandant si j'avais donné mon cœur au bon Dieu. Ensuite, vous m'habilliez en me parlant de lui, et puis à vos côtés, je faisais ma prière. Après venait la leçon de lecture. Le premier mot que je pus lire seul fut celui-ci, « Cieux ». Ma chère marraine se chargea des leçons d'écriture, et vous, ma mère, de toutes les autres. Je n'avais pas une très grande facilité pour apprendre, mais j'avais beaucoup de mémoire. Le catéchisme et surtout l'histoire sainte avaient mes préférences. Je les étudiais avec joie. Mais la grammaire a fait souvent couler mes larmes. Rappelez-vous, le masculin et le féminin. Aussitôt que ma classe était finie, je montais au belvédère, portant ma rosette et ma note à papa. Que j'étais heureuse quand je pouvais lui dire « J'ai 5 sans exception, c'est Pauline qui l'a dit la première. » Car lorsque je vous demandais si j'avais 5 sans exception, et que vous me disiez oui, c'était à mes yeux un degré de moins. Vous me donniez aussi des bons points. Quand j'en avais amassé un certain nombre, j'avais une récompense et un jour de congé. Je me rappelle que ces jours-là me semblaient bien plus longs que les autres, ce qui vous faisait plaisir puisque cela montrait que je n'aimais pas à rester sans rien faire. Toutes les après-midi, j'allais faire une petite promenade avec papa. Nous faisions ensemble notre visite au Saint-Sacrement, visitant chaque jour une nouvelle église. C'est ainsi que j'entrais pour la première fois dans la chapelle du Carmel. Papa me montra la grille du chœur, me disant que derrière étaient des religieuses. J'étais bien loin de me douter que 9 ans plus tard, je serais parmi elles. Après la promenade, pendant laquelle papa m'achetait toujours un petit cadeau d'un ou deux sous, je rentrais à la maison. Alors je faisais mes devoirs, puis tout le reste du temps, je restais à sautiller dans le jardin autour de papa, car je ne savais pas jouer à la poupée. C'était une grande joie pour moi de préparer des tisanes avec des petites graines et des écorces d'arbres que je trouvais par terre. Je les portais ensuite à papa dans une jolie petite tasse. Ce pauvre petit père quittait son ouvrage et puis en souriant, il faisait semblant de boire. Avant de me rendre la tasse, il me demandait, comme à la dérobée, s'il fallait en jeter le contenu. Quelquefois, je disais oui. Mais plus souvent, je remportais ma précieuse tisane, voulant la faire servir plusieurs fois. J'aimais à cultiver mes petites fleurs dans le jardin que papa m'avait donné. Je m'amusais à dresser de petits autels dans l'enfoncement qui se trouvait au milieu dans le mur. Quand j'avais fini, je courais vers papa et l'entraînant, je lui disais de bien fermer les yeux et de ne les ouvrir qu'au moment où je lui dirais de le faire. Il faisait tout ce que je voulais et se laissait conduire devant mon petit jardin. Alors je criais « Papa, ouvre les yeux !» Il les ouvrait et s'extasiait pour me faire plaisir, admirant ce que je croyais être un chef-d'œuvre. Je ne finirais pas si je voulais raconter 1000 petits traits de ce genre qui se pressent en foule dans ma mémoire. Ah, comment pourrais-je redire toutes les tendresses que papa prodiguait à sa petite reine? Il est des choses que le cœur sent, mais que la parole et même la pensée ne peuvent arriver à rendre. Ils étaient pour moi de beaux jours, ceux où mon roi chéri m'emmenait à la pêche avec lui. J'aimais tant la campagne, les fleurs et les oiseaux. Quelquefois, j'essayais de pêcher avec ma petite ligne, mais je préférais aller m'asseoir seule sur l'herbe fleurie. Alors mes pensées étaient bien profondes, et sans savoir ce que c'était de méditer, mon âme se plongeait dans une réelle oraison. J'écoutais les bruits lointains, le murmure du vent, et même la musique indécise des soldats dont le son arrivait jusqu'à moi mélancolisait doucement mon cœur. La terre me semblait un lieu d'exil et je rêvais le ciel. L'après-midi passait vite, bientôt il fallait rentrer au Buissonnet, mais avant de partir, je prenais la collation que j'avais apportée dans mon petit panier. La belle tartine de confiture que vous m'aviez préparée avait changé d'aspect. Au lieu de sa vive couleur, je ne voyais plus qu'une légère teinte rose, toute vieillie et rentrée. Alors la terre me semblait encore plus triste et je comprenais qu'au ciel seulement la joie serait sans nuage. À propos du nuage, je me souviens qu'un jour le beau ciel bleu de la campagne s'en couvrit et que bientôt l'orage se mit à gronder. Les éclairs sillonnaient les nuages sombres et je vis à quelque distance tomber le tonnerre. Loin d'en être effrayé, j'étais ravi. Il me semblait que le bon Dieu était si près de moi. Papa n'était pas tout à fait aussi content que sa petite reine, non que l'orage lui fît peur. Mais l'herbe et les grandes pâquerettes, qui étaient plus hautes que moi, étincelaient de pierres précieuses. Il nous fallait traverser plusieurs prairies avant de trouver une route, et mon petit père chéri, craignant que les diamants mouillent sa petite fille, la prit malgré son bagage de ligne et l'emporta sur son dos. Pendant les promenades que je faisais avec papa, il aimait à me faire porter l'aumône aux pauvres que nous rencontrions. Un jour, nous en vîmes un qui se traînait péniblement sur des béquilles. Je m'approchai pour lui donner un sou, mais ne se trouvant pas assez pauvre pour recevoir l'aumône, il me regarda en souriant tristement et refusa de prendre ce que je lui offrais. Je ne pus dire ce qui se passa dans mon cœur. J'aurais voulu le consoler, le soulager. Au lieu de cela, je pensais lui avoir fait de la peine. Sans doute le pauvre malade devina ma pensée, car je le vis se détourner et me sourire. Papa venait de m'acheter un gâteau, j'avais bien envie de le lui donner, mais je n'osais pas. Cependant, je voulais lui donner quelque chose, qu'il ne puisse me refuser, car je sentais pour lui une sympathie très grande. Alors, je me rappelais avoir entendu dire que le jour de la première communion, on obtenait tout ce qu'on demandait. Cette pensée me consola, et bien que je n'eusse encore que 6 ans, je me dis, je prierai pour mon pauvre le jour de ma première communion. Je tins ma promesse 5 ans plus tard, et j'espère que le bon Dieu exauça la prière qu'il m'avait inspirée de lui adresser pour un de ses membres souffrants. J'aimais beaucoup le bon Dieu et je lui donnais bien souvent mon cœur en me servant de la petite formule que maman m'avait apprise. Cependant, un jour, ou plutôt un soir du beau mois de mai, je fis une faute qui vaut bien la peine d'être apportée. Elle me donna un grand sujet de m'humilier et je crois en avoir eu la contrition parfaite. Étant trop petite pour aller au mois de Marie, je restais avec Victoire et faisais avec elle mes dévotions devant mon petit mois de Marie que j'arrangeais à ma façon. Tout était si petit, chandeliers et pots de fleurs, que 2 allumettes bougies l'éclairaient parfaitement. Quelquefois, Victoire me faisait la surprise de me donner 2 petits bouts de rat de cave, mais c'était rare. Un soir, tout était prêt pour nous mettre en prière. Je lui dis « Victoire, voulez-vous commencer le « Souvenez-vous, je vais allumer ». Elle fit semblant de commencer, mais elle ne dit rien et me regarda en riant. Moi qui voyais mes précieuses allumettes se consumer rapidement, je la suppliais de faire la prière. Elle continua de se taire. Alors, me levant, je me mis à lui dire bien haut qu'elle était méchante et sortant de ma douceur habituelle, je frappai du pied de toutes mes forces. Cette pauvre Victoire n'avait plus envie de rire. Elle me regarda avec étonnement et me montra du rat de cave qu'elle m'avait apporté. Après avoir répandu des larmes de colère, je versai des larmes d'un sincère repentir, ayant le ferme propos de ne plus jamais recommencer. Une autre fois, il m'arriva une autre aventure avec Victoire, mais de celle-ci, je n'eus aucun repentir, car je gardais parfaitement mon calme. Je voulais avoir un encrier qui se trouvait sur la cheminée de la cuisine. Étant trop petite pour le prendre, je demandai bien gentiment à Victoire de me le donner, mais elle refusa en me disant de monter sur une chaise. Je pris une chaise sans rien dire, mais en pensant qu'elle n'était pas aimable, voulant le lui faire sentir, je cherchais dans ma petite tête ce qui m'offensait le plus. Elle m'appelait souvent, quand elle était ennuyée de moi, « petite mioche », ce qui m'humiliait beaucoup. Alors, avant de sauter au bas de ma chaise, je me détournai avec dignité et je lui dis « Victoire, vous êtes une mioche ». Puis je me sauvai, la laissant méditer la profonde parole que je venais de lui adresser. Le résultat ne se fit pas attendre. Bientôt, je l'entendis qui criait « Mademoiselle Marie, Terrasse vient de me dire que je suis une mioche ». Marie vint et me fit demander pardon, mais je le fis sans contrition, trouvant que puisque Victoire n'avait pas voulu allonger son grand bras pour me rendre un petit service, elle méritait le titre de mioche. Cependant, elle m'aimait beaucoup et je l'aimais bien aussi. Un jour, elle me tira d'un grand péril où j'étais tombée par ma faute. Victoire repassait, ayant à côté d'elle un seau avec de l'eau dedans. Moi, je la regardais en me balançant, comme à mon habitude, sur une chaise. Tout à coup, la chaise me manque et je tombe non pas sur terre, mais dans le fond du seau. Mes pieds touchaient ma tête et je remplissais le seau comme un petit poulet remplit son œuf. Cette pauvre Victoire me regardait avec une surprise extrême, n'ayant jamais vu pareille chose. J'avais bien envie de sortir, ou plutôt de mon seau, mais impossible, ma prison était si juste que je ne pouvais pas faire un mouvement. Avec un peu de peine, elle me sauva de mon grand péril, mais non pas ma robe et tout le reste qu'elle fut obligée de me changer, car j'étais trempée comme une soupe. Une autre fois, je tombais dans la cheminée. Heureusement, le feu n'était pas allumé. Victoire n'eut que le mal de me relever et de secouer la cendre dont j'étais remplie. C'était le mercredi, alors que vous étiez au champ avec Marie, que toutes ces aventures m'arrivaient. Ce fut aussi un mercredi que M. Ducellier vint pour faire une visite. Victoire lui ayant dit qu'il n'y avait personne à la maison que la petite Thérèse, il entra dans la cuisine pour me voir et regarda mes devoirs. J'étais bien fière de recevoir mon confesseur, car peu de temps avant, je m'étais confessée pour la première fois. Quel doux souvenir pour moi. Ô ma mère chérie, avec quel soin ne m'aviez-vous pas préparée? me disant que ce n'était pas à un homme, mais au bon Dieu que j'allais dire mes péchés. J'en étais vraiment bien convaincue. Aussi, je fis ma confession avec un grand esprit de foi, et même je vous demandai s'il ne fallait pas dire à Monsieur Ducellier que je l'aimais de tout mon cœur puisque c'était au bon Dieu que j'allais parler en sa personne. Bien instruite de tout ce que je devais dire et faire, j'entrai dans le confessionnal et me mis à genoux. Mais en ouvrant le guichet, Monsieur Ducellier ne vit personne. J'étais si petite que ma tête se trouvait sous la manquette où l'on s'appuie les mains. Alors il me dit de rester debout. Obéissant aussitôt, je me levai et me tournant juste en face de lui pour bien le voir. Je fis ma confession comme une grande fille et je reçus sa bénédiction avec une grande dévotion. Car vous m'aviez dit qu'à ce moment, les larmes du petit Jésus allaient purifier mon âme. Je me souviens que la première exhortation qui me fut adressée m'invita surtout à la dévotion envers la Sainte Vierge. Et je me promis de redoubler de tendresse pour elle. En sortant du confessionnal, j'étais si contente et si légère que jamais je n'avais senti autant de joie dans mon âme. Depuis, je retournais me confesser à toutes les grandes fêtes, et c'était une vraie fête pour moi, à chaque fois que j'y allais.